yeux. Solo, loco, pendant foiré. Laisse-moi PR, je suis là depuis le départ pour rock à le Michael. Je débarque et les wacks repartent en moonwalk à la Michael. Mes gremlins prennent du bon temps le soir, la weed pure dans le cierge. Par ici, ça fait longtemps que les étoiles ne brillent plus dans le ciel. Tire une taf, je respire, je m'arrêterai si j'ai le bis rentable. J'graille la cible avec l'agressivité d'un tigre en crash. Pas de ceux qui dansent le soir, je fais partie des sales crapules. Pas les reins de ce que tu penses de Wham, car ma vie n'est qu'un tas de ratures. Sérieusement, dis-moi comment sourire avec tant de stress. Perds mon temps, à force de lui courir après sans cesse. Les démons tirent vers le bras, bouchon rempli d'herbe grasse. Des tonnes de soucis me pètent le crâne, frère, t'étonnes pas si je rêve de gloire. Là j'ai le bat, je sais pas pourquoi je dévisage ce gars peu stable. Dis-moi sa peine dans le bar en rêvant de paysages de cartes postales. Mais les gars, faudrait pas que l'hémorragie me troll avant. Pas le temps de laisser traîner les bails, quand on sort d'agir violemment. Ouais, mon bouc, t'espérais quoi? Je te freine comme les prix d'Aïda. Bouge, te la parle pas avec quoi? Me dit t'as le zen rempli de bails d'aquette. Même les plus bêtes russes parmi les chiens de sale gosse. Sans le savoir, on joue à la roulette russe. Paris est plein de bastos. Pas d'avenir sur le mauvais chemin. Sont froid, c'est mes watts, ça dans le crâne. Si t'en freins les règles du jeu, rien de dire croisé les watts avant le drame. Signé, c'est la rock assure. C'est comme les 100 grammes d'herbatisme. Mon purin surfile sous la lumière jaune des lampadaires de ma ville. Écorché sont mes gars, écorché sont les flashs. Viens, c'est trop vieux, on s'égare, les problèmes, on les cache. Bien. Critique pas mon taf, je te connais pas donc parle bien. Mon but c'est de faire passer la balle entre les bœufs du gardien. Écorchés sont mes gars, écorchés sont les flashs. Viens, c'est trop vrai, on s'égare, les problèmes on les cache. Bien. Critique pas mon taf, je te connais pas donc parle bien. Mon but c'est de faire passer la balle entre les bœufs du gardien. Précis comme un purse knife, je passe les vitesses, ouais je veux le trésor. Tu cherches la punchline, passe me voir, je viscère mieux que les autres. Je suis le rappeur en place, ça le rage, même pas je te cala. Beaucoup me sucent la teub en face, mais crache sur ma gueule dès que je suis pas là. J'escalade, enragé, teste pas mes rats quand je rappe sec. Balade sans le cacher, teste un éra dans le casque, mec. Où est ma place sur terre, je passe mon temps à la chercher. Deux, trois pas sur le terre, je fais mon vœu devant les doigts du berger. Ma vie, une marche sous la pluie battante avec une gueule de bois. Certes, j'en peux vraiment plus d'attendre cette foutue heure de gloire. Cigatrice, rêve de vie d'artiste, sous la pluie d'acide, vite rapide. Brie quand j'vite la cible, rouge de la j'vite acide. 4 heures, tu m'as plus de limite, but la tête, j'termine à terminable. Mes nuits sont blanches car les jours crimes paraissent interminables. L'air psinal, en vérité, faudrait que j'arrête cette merde. Ça me rend bizarre, gros, c'est décidé, et j'compte pas rester le même. Sur commande, ok, j'te bombe sans mesure. Souris pas, j'vois qu'en ce moment, le côté brosson reprend le dessus. Mais rien ne m'arrête, écoute, bro. Tout ce temps, j'ai lancé le bike carré. T'arrêtes, j'suis la couteau, voulant déclencher le rat marée. Allez, bouge, de la foule, le feu, même tes boucles, le zarzou. Le soir, débarque sur la prod comme sur le boule d'une femme. Sombre à la scortesse, quand j'le peux, j'force les portes, ouais. J'lâche que des gros textes indémodables comme le sport, ouais. C'est pour les proches et même les roches, j'connais en board ma vie. Faut se remplir les poches et se faire des couronnes en or massif. C'est du midi, qui t'a dit que j'allais me taire. Allez frère, tu peux oublier, j'ai promis de jamais le faire. Je me suis trompé, je vais encore trimer dans pas longtemps sa mère. Ouais, trop blessé de m'endoctriner en me racontant de la merde. Le temps passe gros, j'vois plus de sentier, faut que les billets me résonnent. Alors je me casse, le dos sur le chantier comme des milliers de personnes. Je dois faire vite et pas dans 10 ans. T'es fou, j'aurais plus l'âge. Alors je vise les étoiles en espérant toucher les nuages. Y'a trois pigeons me disaient arrête où tu bosses si mal. J'ai redoublé d'efforts, j'ai retourné les scores et courté le règne du boss final. Écorchés sont mes gars, écorchés sont les flashs. Viens, c'est trop vrai, on s'égare, les problèmes on les cache. Viens, critique pas mon taf, je te connais pas donc parle bien. Mon but c'est de faire passer la balle entre les bœufs du gardien. Écorchés sont mes gars, écorchés sont les flashs. Viens, c'est trop vrai, on s'égare, les problèmes on les cache. Viens, critique pas mon taf, je te connais pas donc parle bien. Mon but c'est de faire passer la balle entre les bœufs du gardien.